Nous allons tout de suite passer la pièce de Vania Jaikin Miyazaki qui s'appelle Mourir, c'est pas si grave. Cette histoire a commencé tout à fait rationnellement. Mais assez vite, elle a pris une tangente à laquelle je ne m'attendais pas. Et là, maintenant, je peux dire qu'elle a changé ma perspective sur la vie. Sur ce que c'est que d'être vivant. Et je dois dire que je trouve ça beaucoup plus amusant que prévu. Un jour, un ami m'a lancé avec panache. Tant que nous sommes vivants, nous sommes immortels. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Qui parmi les humains, en relativement bonne santé, vit consciemment avec cette donnée en tête, qu'il va mourir un jour? Alors, je ne dis pas qu'il faut s'auto-flageller toute la vie en se rappelant constamment notre finitude. Mais j'ai découvert deux, trois choses qui m'ont paru importantes à savoir pour essayer, du moins, de ne pas arriver au bout du chemin en ayant la sensation d'être passé à côté. Comme le disait si bien John Lennon, la vie, c'est ce qui est en train de se passer pendant qu'on est occupé à faire autre chose. Il y a quelques années, comme beaucoup de monde sous nos latitudes, j'ai commencé à pratiquer la méditation. Cette recherche souvent turbulente, parfois même rocambolesque en ce qui me concerne, d'un certain calme, de ne serait-ce qu'un court silence dans le charivari du monde qu'on s'est inventé. Ce jour-là, j'étais assise sur mon petit coussin depuis un moment déjà. J'entendais mon silence intérieur papoter avec d'autres colocataires intérieurs, on va dire. Quand tout à coup, j'ai ouvert les yeux. Non, j'avais pas vu la lumière divine. C'était plutôt comme si une main géante m'avait mis un grand coup dans la tête. La pensée qui venait de me traverser comme un éclair était la suivante. Méditer est une préparation à la mort. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle-là, et je me suis dit « Waouh !» Ça m'a pas paru complètement absurde. Et surtout, ça soulageait mon petit côté productiviste qui rechigne encore parfois à méditer. Ça justifiait en quelque sorte mes heures passées à faire rien, assise sur un coussin les yeux fermés. Et selon ce tout nouveau postulat, ce rien se transformait tout à coup en une préparation. En y réfléchissant deux minutes, je pouvais admettre que ma seule certitude dans cette vie était que j'allais mourir, et que mourir est un verbe que je placerais entre deux adjectifs. Angoissant et terrifiant, ou autre option, entre la vie et le néant. C'est d'ailleurs pour ça que j'y pense pas trop en vérité. Mais si j'y pense ne serait-ce qu'un instant, je me dis que j'aimerais bien ne pas mourir n'importe comment. Je ne parle pas des circonstances extérieures, ça, j'y peux rien. En revanche, les circonstances intérieures, c'est-à-dire comment je l'accueille, en paix ou en panique, en mode « non, pas maintenant, j'ai pas encore fini », là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je me suis levée sans attendre et suis partie à la bibliothèque à la recherche de lectures sur la méditation et la mort. Et à ma grande surprise, je suis tombée sur un livre qui s'appelle tout simplement « L'art de mourir ». En quelques pages, chaque histoire de ce recueil racontait les derniers instants d'un ou d'une méditante. Pas des moines ou des nonnes, des civils, comme vous et moi. C'était assez fascinant comme lecture, mais surtout, j'ai réalisé que je ne savais rien de la mort, de ce moment précis où l'on part. Salut les amis, adios amigos, et on revient pas. Dans ce livre, ça avait l'air simple, tranquille, serein. Alors bon, effectivement, il s'agissait de gens qui s'étaient bien préparés pendant pas mal d'années sur leur petit coussin. J'ai commencé à réfléchir à cet événement étrange, incertain, ou certain plutôt. C'est ça, c'est cette contradiction qui me titille. On sait qu'on va mourir, tous, sans exception, mais on sait juste pas quand. Et tout est là, dans cette incertaine certitude, que par ailleurs, on passe son temps à essayer d'oublier. Notre incertitude nous est inconfortable. On préfère la fuir, en vivant comme si on était immortel. Et on a probablement raison. On est là pour vivre. On va pas s'asseoir sur un caillou et attendre la mort. Pour étudier la question qui, d'un seul coup, était devenue essentielle, je me suis dit que j'allais forcément devoir partir loin, voire très loin. Parce qu'ici, en Europe, ou en Occident, disons, même si on n'a pas encore réussi à tuer la mort, on l'a tellement bien cachée qu'elle semble avoir disparu du paysage. On n'en parle pas, on la chuchote quand elle s'approche de notre entourage, comme si elle risquait de nous repérer, et on s'éloigne, comme si elle était contagieuse. L'idée m'a traversé de partir dans un voyage autour du monde, dans des contrées lointaines où, c'est sûr, certaines cultures vivent avec la présence de la mort, c'est-à-dire en conscience que nous, les humains, on naît et on meurt. Je voulais savoir ce que ça change dans la vie de tous les jours. Et comment ça se passe. Non seulement le passage, mais les rituels qui vont avec, les musiques, les paroles prononcées, les gestes reproduits génération après génération. Et le chagrin, est-ce le même que chez nous? Ou est-ce que le fait de vivre avec elle change notre rapport à notre finitude et notre relation à nos morts? Ici, même si on l'évite autant qu'on peut, à un moment ou un autre, un être cher s'en va et on établit une nouvelle relation avec cette personne, désormais absente pour toujours. Une relation dont nous décidons des termes. Peut-être qu'on lui parle quand on est seul, qu'on la pleure quand personne ne nous regarde, qu'on en rêve la nuit ou le jour, qu'on imagine ce qu'elle aurait dit ou fait. Peut-être qu'on garde un de ses objets ou une photo dans un tiroir. Comme la vie fait bien les choses, avant de me retrouver au bout du monde, je me suis retrouvée au Portugal, à un cours de yoga. J'allais rendre visite à des amis qui me sont chers et qui ont estimé que ça me ferait du bien d'aller me plier en huit et de transpirer sur un mat. Après le cours, j'avais donc réussi à me déplier. En nous entendant parler de mon projet de grand voyage à la recherche de rites funéraires, mon tout nouveau prof de yoga m'a dit qu'il serait sans doute intéressant pour moi de rencontrer un de ses très bons amis, un médecin spécialisé dans le cancer du pancréas. Il est d'origine colombienne. On allait donc pouvoir communiquer facilement en espagnol et il travaille aux soins palliatifs de la Fondation Champalimaud, aussi appelée joliment Research Center for the Unknown, centre de recherche pour l'inconnu, à Lisbonne. Je ne savais pas trop où j'allais, si j'allais quelque part, et si je ferais quelque chose de tout ça. Mais j'ai décidé d'enregistrer notre conversation informelle lors d'une rencontre en balade dans les rues de Lisbonne. Vous pourrez l'entendre demain à la même heure. En tout, 3 extraits seront présentés ici à Radio Zine et vendredi, nous organiserons une petite discussion autour du sujet de la mort. Ceci est un podcast en cours de fabrication. Il sera composé de 6 épisodes d'environ 30 minutes et sera diffusé quelque part dans la deuxième partie de l'année 2025. Il s'appellera « Mourir, c'est pas si grave ». Il s'agit d'une enquête, mais surtout d'une quête de sens, qui cherche à trouver ce qu'il advient de nous au moment de la mort et après. Je remercie le Fonds Gulliver, la RTS et la ville de Genève pour leur soutien. Et j'aimerais aussi citer les musiciens qui m'ont accordé le droit d'utiliser leurs œuvres. Dans l'ordre d'apparition, Nouveau Job de Varnish la Piscine, Travesé des Ea du maestro Walters Brass Band enregistré par Félix Blum en Haïti, White Sun de Loca and the Moonshiners, et Certitude de Léo Duplex qui joue dans ce festival. Et le petit jingle là-dessous, c'est moi. Merci Vania Jacqueline Miyazaki. Juste pour dire aussi que en fait, ce podcast avait été démarré. Enfin, on s'était dit que c'était aussi pertinent de le donner à écouter dans cette première version, comme ça, un peu encore. En construction, comme elle le dit, parce qu'il y a toute une thématique du Festival d'Archipel autour des orgues, et donc beaucoup de pièces à écouter autour des orgues, une installation à la paroisse Saint-François, et qu'il y a un lien comme ça donc avec également les rites funéraires. Et voilà, donc vous avez eu là le premier épisode de ce podcast. Un deuxième et troisième auront lieu, enfin seront diffusés demain et après-demain, et donc une discussion autour de ce sujet vendredi.